Donc, je disais que je remerciais vivement Luc d'avoir organisé cette journée. Il y a quelque temps, effectivement, nous avions organisé au château de Versailles une journée qui était spécialement consacrée à Saint-Simon et Proust. Donc, forcément, je vais revenir sur certains aspects du dialogue entre guillemets entre ces deux écrivains, sur certains aspects qui, pour certains d'entre eux, sont déjà assez frayés. Alors, je rappelle que Proust semble avoir été particulièrement sensible à deux aspects très différent de l'œuvre de Saint-Simon, qu'il mentionne de manière récurrente. Le premier, qui ne m'intéressera pas au premier chef aujourd'hui, est la liberté stylistique du mémorialiste, qu'il juge imprévisible et par conséquent inimitable, et qu'il associe, dans le temps retrouvé, au mythe d'une création nocturne. Le second, beaucoup plus étroitement lié à l'image que Saint-Simon donne de Versailles, est sa vision d'un monde social puissamment orchestré comme une symphonie de signes. Les mémoires manifestent en effet, et c'est un de leurs aspects les plus célèbres, une sensibilité exacerbée aux cérémonies et aux routines qui donnent à l'existence sociale et au temps humain une forme et un sens du fait même de leur répétition et de leur reproductibilité. Saint-Simon passait à son époque pour une espèce d'expert dans ces domaines, et si certains de ses contemporains semblent l'avoir pris très au sérieux et l'avoir consulté à l'occasion comme un spécialiste incollable du protocole d'un lit de justice ou d'une cérémonie d'obsèques, d'autres semblent avoir été au contraire agacés par ce qui pouvait être perçu comme une obsession ou une monomanie. Et encore aujourd'hui, le lecteur le plus admiratif de son œuvre peut rester perplexe quant à la place envahissante qui occupe les considérations sur les rangs, les cérémonies, l'étiquette ou encore ce que le mémorialiste appelle la mécanique, et se demander si tout cela n'appartient pas aux parties mortes, désespérément historiques au pire sens du terme, d'une œuvre dont le reste serait resté vivant pour d'autres raisons. Or, Proust ne se pose pas ce genre de questions et s'empare de cette vision du monde en la déplaçant et en soulignant poétiquement que loin de ne correspondre au cours rituel versaillais et aux relations entre les grands sous l'Ancien Régime, elle exprime un des éléments essentiels du vivant humain sous toutes ses formes. Il voit dans ce sens aigu des rituels non l'expression d'une monomanie bornée, mais celle d'une intelligence exceptionnelle du monde social, et il me semble que des grands livres, comme celui de Norbert Elias sur la société de cour, ou celui d'Emmanuel Leroy Ladurie sur le système de la cour, qui prennent tous les deux Saint-Simon pour référence principale, lui ont donné raison. Cela m'amène à dire que ce qui, du Versailles de Saint-Simon, imprègne le plus profondément le roman proustien, ce n'est pas l'évocation poétique ou nostalgique d'un lieu concret, le Versailles mélancolique et automnal dont il était question tout à l'heure, complètement hors sujet. Les quelques parties de l'œuvre où Proust rêve sur Versailles, comme dans un passage d'Albertine disparue, où il évoque la beauté des statues éparses sous les bosquets ou dans les bassins du jardin du château, n'ont absolument rien de saint-simonien. Saint-Simon, d'ailleurs, n'était nullement sujet à ce type de rêverie et ne semble le plus souvent envisager les lieux que dans leurs aspects symboliques et ou fonctionnels, avec une indifférence quasi totale à ce que nous appellerions leur charme. Il ne s'extasie jamais sur le luxe inouï du château à l'époque de Louis XIV, ne décrit que très rarement tel ou tel lieu versaillais, et lorsqu'il le fait, c'est presque toujours en rapport avec des questions d'étiquette ou de protocole, presque jamais dans un esprit de résurrection poétique. Je dis presque jamais, mais en réalité, c'est jamais. Il préfère même parfois les schémas les plus arides qu'il appelle plans figurés, donc c'est des schémas qui sont effectivement dans le manuscrit, hein, des mémoires, aux descriptions à proprement parler. Et Delphine Mouquin de Garidel a consacré un article remarquable à cet aspect assez ingrat et assez peu littéraire, à vrai dire, des mémoires. Enfin, dans le passage le plus célèbre qu'il a consacré à Versailles, dans la synthèse qu'il fait du règne de Louis XIV à l'occasion du récit de sa mort dans la chronique de l'année 1715 de ses mémoires, c'est avec une espèce de dégoût que le mémorialiste évoque, pour une fois dans sa réalité concrète, mais d'une manière presque exclusivement négative, le lieu qui pouvait passer pendant la plus grande partie de sa vie pour le plus prestigieux du monde. Après avoir chanté les louanges de Saint-Germain, il reproche brutalement à Louis XIV d'avoir abandonné ce lieu, je cite, pour Versailles, le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux, sans vue, sans bois, sans eau, sans terre, parce que tout y est sable mouvant ou marécage, sans air par conséquent, qui n'y peut être bon. Et il ajoute à propos de ce que Louis XIV fit à Versailles, il se plut à tyranniser la nature, à la dompter à force d'art et de trésors. Il y bâtit tout l'un après l'autre sans dessein général. Le beau et le vilain furent cousus ensemble, le vaste et l'étranglé. Je passe les jardins dont la magnificence étonne, mais dont le plus léger usage rebute son d'aussi mauvais goût. Et, encore un peu plus loin, on finirait point sur les défauts monstrueux d'un palais si immense et si immensément cher, avec ses accompagnements qui le sont encore davantage. Alors, je n'ai pas voulu trop abréger cette citation d'un texte célèbre pour ne pas laisser passer la qualification de monstrueux qui figure à la fin du texte. On verra pourquoi. J'ajoute enfin que si certains des plus grands écrivains qui ont marqué le règne de Louis XIV et à l'occasion ont chanté la vie de Versailles, hantent le roman proustien, comme Racine, dont les vers sont l'objet de délicieux et pervers détournements, cela ne doit rien à Saint-Simon non plus. Saint-Simon qui affiche volontiers une espèce d'indifférence qui peut aller à l'occasion jusqu'à une condescendance dédaigneuse pour la poésie et pour les belles lettres. Le mémorialiste, pour en rester à cet exemple, cite moins souvent Racine pour ce qu'il appelle froidement ses belles pièces de théâtre que pour son ambition de courtisan et l'appui servile de sa rhétorique aux intérêts de rang du maréchal de Luxembourg. C'est donc le sémioticien et le sociologue avant la lettre, je dirais même dans certains cas l'éthologue, qui retiennent l'attention de Proust dans le Versailles de Saint-Simon. Et bien souvent, c'est à la lumière des comportements des courtisans et de la famille royale tels qu'ils sont décrits dans ses mémoires que le grand romancier envisage ceux de ses contemporains. Pour le dire simplement, ce n'est donc pas qu'on Proust parle de Versailles pour soi-même et en tant que lieu spécifique que Saint-Simon remonte dans la recherche, mais quand le Versailles de Saint-Simon apparaît comme une clé de lecture des mondes sociaux que fréquente le narrateur de son roman, avec une indifférence parfois volontairement déconcertante, voire désopilante pour le niveau social concerné par ce travail de comparaison. Alors, trois traits majeurs du Versailles de Saint-Simon, informant de cette manière la vision proustienne du monde social, retiendront successivement mon attention. Et je précise que pour les deux premiers points en particulier, c'est quelque chose qui a déjà été remarqué, bien sûr, aussi bien du côté des proustiens que des saint-simoniens. Alors, je commencerai par un des thèmes saint-simoniens les plus souvent invoqués par Proust dans la recherche, ce que Saint-Simon appelle, notamment dans le grand tableau du règne qui couronne la chronique de l'année 1715, la mécanique de la cour de Louis XIV. Pendant une petite quinzaine de pages, Saint-Simon décrit tous les menus faits qui rythmaient la vie du roi, distinguant ce qui se répétait chaque jour et d'autres systèmes de régularité plus exceptionnels, correspondant par exemple à ce que Saint-Simon appelle « jours de médecine », eux aussi strictement soumis à leur propre emploi du temps. Et la journée ordinaire du roi est longuement décrite, étape par étape, depuis sa matinée jusqu'à ses soirs, en passant par ce que Saint-Simon appelle au fil des manchettes ses conseils, son dîner, son service ou encore ses promenades. Même si à un moindre degré des phénomènes comparables pouvaient être observés dans d'autres cours, Saint-Simon aperçut le caractère tout à fait exceptionnel de la volonté de Louis XIV de ritualiser entièrement son existence quotidienne et il ne cesse d'insister sur le phénomène unique de cette mise en ordre et en forme par le roi de sa vie de tous les jours. Le passage le plus connu et le plus souvent cité sur la mécanique du quotidien royal, qui ne figure pas dans les mémoires mais dans le parallèle des trois premiers rois Bourbon, pourrait paraître un peu ironique sorti de son contexte. Alors je le rappelle, rien de plus exactement réglé que ces heures et ces journées dans la diversité des lieux, des affaires et des amusements. Avec un almanach et une montre, on pouvait à 300 lieues de lui dire avec justesse ce qu'il faisait. Mais en réalité, il n'y a pas ironie, hein, et ce passage exprime une admiration sincère pour ce que Saint-Simon appelle ailleurs un extérieur incomparable et unique qui, je cite encore, donnait un prix infini aux moindres choses. Ce jugement est absolument confirmé dans les mémoires où Saint-Simon présente la mécanique de la cour de Louis XIV comme une leçon, je cite encore, pour les rois qui voudront se faire respecter et qui voudront se respecter eux-mêmes. Et où il se vante d'avoir donné le conseil au duc d'Orléans de respecter la dite mécanique pour protéger la dignité du pouvoir pendant la régence, en vain, puisque de son point de vue, cette dignité s'effritera complètement et la période 1715-1723 sera une farce sinistre sur le plan de la mise en scène du pouvoir par lui-même. Un élément essentiel distingue cependant la mécanique des autres éléments de la ritualisation de la vie de cour dont parle Saint-Simon, et surtout des cérémonies ou des questions de pure étiquette. Ce n'est pas un système hérité dont toute la valeur serait associée pour Saint-Simon à une grandiose origine de la monarchie. Louis XIV, en astreignant son emploi du temps à une telle régularité, ne manifeste aucune fidélité au passé et ne reproduit pas des formes venues d'un lointain passé et qui seraient auréolées de sacré par leur permanence mythique. Sa mécanique est une création, un fait historique moderne, qui résulte de sa volonté personnelle, caractérise son règne propre et manifeste son génie politique dans la manière de donner une signification symbolique au moindre signe, par son intégration à un système grandiose par sa ritualisation même, ce qu'il appelle, dans un passage célèbre, l'épisode du bougeoir, son art de donner l'être à des riens. Saint-Simon admire ce qu'on pourrait appeler une gestion politique du signe qui donne au pouvoir une sorte de poésie et de merveilleux, mais il ne la confond nullement avec l'essence sacrée de la monarchie qu'il cherche à capter dans des rituels qui viennent de beaucoup plus loin. Autrement dit, la mécanique reste pour lui un élément complètement étranger à toute transcendance. Alors il fallait tous ces rappels un peu longs peut-être pour percevoir dans toute sa subtilité la reprise proustienne du thème saint-simonien de la mécanique qui fait plusieurs apparitions dans la recherche. Alors je vais me contenter d'une de ces apparitions, en particulier donc dans des pages magnifiques du côté de chez Swann. Proust décrit l'extrême ritualisation de l'existence de la tante Léonie, description qui culmine avec la comparaison de cette mécanique domestique avec celle du grand roi telle qu'elle est décrite par Saint-Simon. Cette comparaison, que je citerai dans un instant, est bien sûr justifiée par l'emploi du temps habituel de la tante Léonie qui semble vouloir rivaliser en régularité et en fixité et d'une certaine manière en solennité avec celui de Louis XIV. Mais un passage suggère que Proust a aussi en tête le modèle des jours de médecine, dont je parlais tout à l'heure, comme régularité secondaire et atypique, incrustée dans la monotonie du reste. Il fait ainsi cette remarque, qui pourrait tout aussi bien valoir pour le Louis XIV de Saint-Simon, et qui porte sur la ritualisation particulière du fait de manger le samedi une heure plus tôt que les autres jours. Je cite, « Quand je dis qu'en dehors d'événements très rares comme cet accouchement, le train-train de ma tante ne subissait jamais aucune variation, je ne parle pas de celle qui, se répétant toujours identique à des intervalles réguliers, n'introduisait au sein de l'uniformité qu'une sorte d'uniformité secondaire. » C'est exactement calqué, évidemment, sur le modèle des régularités secondaires de la vie du roi. De la même manière, l'agacement de la tante Léonie à toute infraction à ses organisations de son temps fait penser plaisamment à l'irritation de Louis XIV face à tout ce qui vient menacer la majestueuse régularité de la vie versaillaise. Enfin, et peut-être surtout, la mécanique de Léonie, à l'image de celle de Versailles, est présentée par Proust comme un système de pouvoir, créant autour de celui qui est au cœur de la mécanique, Louis XIV d'un côté, Léonie de l'autre, une sorte d'aura de sacralité suscitant une intense activité interprétative. Et je cite maintenant le passage clé, « Une vieille femme de province qui ne faisait qu'obéir sincèrement à d'irrésistibles manies et à une méchanceté née de l'oisiveté, voyait, sans avoir jamais pensé à Louis XIV, on peut se demander si Léonie n'a vraiment jamais de sa vie pensé à Louis XIV, les occupations les plus insignifiantes de sa journée concernant son lever, son déjeuner, son repos, prendre par leur singularité despotique un peu de ce que Saint-Simon appelait la mécanique de la vie à Versailles. » Alors, fin provisoire de la citation, c'est exactement l'équivalent de ce que le mémoriste appelle « donner l'être à des riens ». Et je lis maintenant la fin de la phrase où l'articulation de la mécanique et de la question du pouvoir devient encore plus visible. Et donc Léonie toujours pouvait croire aussi que ces silences, une nuance de bonne humeur ou de hauteur dans sa physionomie, étaient de la part de Françoise l'objet d'un commentaire aussi passionné, aussi craintif que l'était le silence, la bonne humeur, la hauteur du roi quand un courtisan ou même les plus grands seigneurs lui avait remis une supplique au détour d'une allée à Versailles. Alors, l'épisode auquel Proust pense ici est sans doute celui où, dans la chronique de 1710 des Mémoires, le duc d'Orléans remet à Louis XIV effectivement une espèce de supplique pour obtenir le mariage de sa fille avec le duc de Berry. Le prince, sifflé par Saint-Simon, attend le roi à un endroit où il sait que ce dernier passe tous les jours à la même heure, donc la question de la mécanique, évidemment, place essentielle dans l'épisode, lui donne la lettre à un moment prévu pour permettre ce type de rapide ouverture. Et juste après, c'est Saint-Simon qui entre en action et scrute le roi pour essayer de deviner, en traquant le moindre signe livré par son visage impassible, si la lettre a été bien ou mal reçue, et doit s'avouer vaincu tant le monarque parvient à garder exactement sa contenance habituelle et à inscrire la régularité dans son corps lui-même. Le guet amoureux du corps du roi et l'attention passionnée du courtisan qu'est ici Saint-Simon au moindre signe d'expressivité que le monarque refuse obstinément de lâcher est aussi dans la mémoire du texte de Proust. Comme lui, Léonie a réussi à transformer son corps en un objet de désir et d'interprétation inlassable, même si évidemment l'interprète, la pauvre Françoise, n'a pas le standing des innombrables courtisans qui scrutent sans fin la contenance et le visage majestueux de Louis XIV et cherchent à transpercer son caractère impénétrable. Le deuxième niveau de ritualisation de la vie de cour auquel Saint-Simon est sensible et qui marque par ricochet le monde de la recherche est celui de ce que je vais appeler, m'inspirant notamment d'un article de Mathieu Davignat, pour la commodité de l'exposé et par opposition à mécanique, étiquette. J'entends par là tout ce qui formalise les rapports hiérarchiques, y compris et surtout dans des contextes qui ne sont pas ceux des grandes cérémonies officielles, mais qui relèvent plutôt du quotidien de la vie de cour. Il s'agit donc d'un ensemble de codes sociaux à travers lesquels se manifestent les rapports hiérarchiques, avec une attention toute particulière des élites d'Ancien Régime à tout ce qui les distingue du cran immédiatement supérieur ou immédiatement inférieur de la hiérarchie qui suscite une agressivité structurelle. Le rang immédiatement supérieur, parce qu'on tient à effacer autant que possible les marques de notre différence jugée humiliante avec lui. Le rend immédiatement inférieur, au contraire, parce qu'on veut prendre un maximum de distance avec lui, inventer à son détriment de nouveaux signes de prestige et, si possible, lui faire perdre ce qu'il a en commun avec notre propre rang. L'étiquette ainsi entendue est donc le cadre d'une guerre des signes permanente qui est un des sujets principaux des mémoires, dans une sorte de déséquilibre instable qui fait que tout élément ritualisé est menacé de transgression. Elle est donc, cette étiquette, en perpétuelle mutation, puisque tout est constamment remis en question à tous les niveaux de la hiérarchie. Le fantasme sous-jacent à ces comportements n'en est pas moins la fixité ritualisée de tout ce qui nous distingue et nous tire vers le haut, et la fragile corruptibilité de tout ce qui nous rapproche des rangs inférieurs. Le système de l'étiquette est donc travaillé à la fois par un mythe de pérennité et d'immobilité qui lui donne son caractère rituel, et par un mouvement qui, de fait, ne cesse de déplacer les lignes et de donner un caractère toujours provisoire à l'existant. Une des anecdotes où Saint-Simon concentre de la manière la plus admirable les tensions suscitées par les obsessions d'étiquette et qui a justement retenu l'attention de Proust se trouve dans la chronique de 1701. Elle voit s'affronter Monsieur, fils de Louis XIII, et Monsieur le Duc, prince de Condé. Je précise d'abord le contexte. Un des signes d'infériorité des princes du sang dans cette affaire est qu'ils doivent servir occasionnellement les fils de France, et en l'occurrence, Monsieur le Duc a évité, dit Saint-Simon, de proche en proche, de présenter le service à Monsieur, et, suite de la citation, a eu l'indiscrétion de se vanter qu'il ne le servirait point. Monsieur le Duc est donc guidé par un double souci de faire disparaître un des signes d'infériorité de son rang et de rendre public son refus d'entériner cette marque de soumission. Nous découvrons alors la réaction scandalisée de Monsieur qui se plaint à Louis XIV de cette infraction délibérée au protocole de cour, le roi conseillant à son frère de se venger en trouvant occasion, je cite, de s'en faire servir. Et Monsieur, dès lors assuré du roi, nous dit Saint-Simon, épia l'occasion. Voici la partie centrale de la scène. Un matin qu'il se levait à Marly, où il logeait dans un des quatre appartements bas, il vit par sa fenêtre Monsieur le Duc dans le jardin. Il l'ouvre vite et l'appelle. Monsieur le Duc vient, Monsieur se recule, lui demande où il va, l'oblige toujours reculant d'entrer et d'avancer pour lui répondre, et de propos en propos, dont l'un n'attendait pas l'autre, tire sa robe de chambre. À l'instant, le premier valet de chambre présente la chemise à Monsieur le Duc, à qui le premier gentilhomme de la chambre de Monsieur fit signe de le faire. Monsieur, cependant, défaisant la sienne, et Monsieur le Duc, pris ainsi au trébuchet, n'osa faire la moindre difficulté de la donner à Monsieur. Dès que Monsieur l'eut reçu, il se mit à rire et à dire « Adieu, mon cousin, allez-vous-en, je ne veux pas vous retarder davantage. » Monsieur le Duc sentit toute la malice et s'en alla fort fâché, et le fut encore à davantage par les propos de hauteur que monsieur en tint. Le moment le plus fascinant est celui où monsieur obtient ce qu'il veut et où les différents acteurs exécutent la pantomime de la domination et de l'infériorité. À partir de là, en effet, les comparses entrent dans le jeu et une espèce de petite chorégraphie impeccable s'improvise, chacun sachant exactement ce qu'il doit faire, sans que Saint-Simon éprouve le besoin d'entrer dans l'intériorité d'aucun d'entre eux. La fluidité et la rapidité du tout tiennent moins à une préméditation qu'à une maîtrise impeccable des gestes de l'étiquette que tous les acteurs réalisent sans y penser. Monsieur le Duc sait exactement ce qu'il doit faire, même s'il ne veut pas le faire, et a exactement la même image que monsieur de ce que le servir signifie concrètement. Pas l'ombre d'une hésitation, le rituel est connu et tous ces éléments sont clairs pour tous les personnages de la scène. Toute la question est de savoir si ce petit cérémonial doit être exécuté ou non. Pour monsieur, il est une indispensable manifestation sociale de l'infériorité du prince du sang, et il faut donc le maintenir à tout prix, le protéger comme un monument en péril de la grandeur d'un fils de roi. Pour monsieur le duc, il est une insupportable humiliation et l'aveu public de son statut inférieur, et il faut donc à tout prix le faire disparaître pour estomper un peu l'épouvantable différence entre le statut de fils de France et celui de prince du sang. Nous sommes ici confrontés à une véritable lutte à mort sur le terrain des symboles et des signes, d'une férocité réelle, si l'on se souvient de l'immense importance de ces bagatelles, entre guillemets, parce que c'est un mot qu'utilise Saint-Simon, pour les intéresser. Alors, il me semble que la sensibilité particulièrement remarquable de Proust à la subtilité des rapports hiérarchiques lui vient directement de tels passages de Saint-Simon, et son intimité avec le vocabulaire saint-simonien pour désigner de telles guerres d'étiquettes suscite des rapprochements cocasses qui montrent à quel point il s'est approprié ces codes. Ainsi, parmi les mots-clés de l'approche chez Saint-Simon d'un fait de cour tel que je viens d'analyser, ceux de prétention et d'usurpation sont les plus récurrents et les plus significatifs. Il s'agit de tout ce qui, en projet ou en réalisation, vise à estomper les degrés de la hiérarchie, à les rendre moins sensibles lorsqu'on est confronté à la catégorie supérieure, à les accuser, au contraire, à les accentuer quand on est confronté à la catégorie inférieure. Et une idée qui apparaît régulièrement chez Saint-Simon, c'est que cette manière de progressivement tenter de récupérer quelque chose sur le terrain des signes est d'autant plus efficace qu'elle se fait comme insensiblement. Je cite maintenant un passage de Sodome et Gomorre qui rapproche à nouveau sur ces questions le monde le plus familier du narrateur, celui de Combray, du monde historique, lointain et exotique de Versailles. Les gens de Combray, écrit-il, avaient beau avoir du cœur, de la sensibilité, acquérir les plus belles théories sur l'égalité humaine. Ma mère, quand un valet de chambre s'émancipait, disait une fois « vous » et glissait insensiblement à ne me plus parler à la troisième personne, avait de ces usurpations le même mécontentement qui éclate dans les mémoires de Saint-Simon chaque fois qu'un seigneur qui n'y a pas droit saisit un prétexte de prendre la qualité d'altesse dans un titre authentique ou de ne pas rendre au duc ce qu'il leur devait et ce dont peu à peu il se dispense. Alors, le peu à peu de la fin de phrase est essentiel car effectivement chez Saint-Simon, plus le grignotage sémiotique est lent et comme insensible, plus il passe inaperçu et s'avère inefficace. La prétention fonctionne d'autant mieux qu'elle s'enveloppe dans une sorte d'invisibilité et le glissement insensible du valet de chambre est donc calqué exactement sur la dynamique versaillaise de conquête des signes. Il manque d'ailleurs au Proust et les signes de Deleuze un rapprochement approfondi avec Saint-Simon que le philosophe, je pense, connaissait mal, car Proust a retenu aussi de l'admirable description du ballet des corps que l'étiquette produit un sens aigu de la signification hiérarchique de la moindre inflexion physique qui produit chez lui des moments de comique gestuelle qu'on pourrait situer quelque part sur une trajectoire improbable menant de Saint-Simon à Charlot. Je ne peux évidemment pas citer dans cette communication tous les passages où la pantomime proustienne s'inspire de la pantomime versaillaise telle que Saint-Simon la décrit, mais le texte où il est fait allusion à l'anecdote de monsieur et monsieur le duc suit une magnifique évocation de la manière dont le duc de Guermantes maîtrise spontanément la moindre inflexion de son corps pour exprimer vis-à-vis de ses inférieurs une sorte de bienveillance hiérarchique, si je puis dire, millimétrée. Le dernier point que je voudrais aborder me semble illustrer l'intimité de Proust avec l'univers de Saint-Simon de manière encore plus profonde. Dans un passage impressionnant du côté de Guermantes, le narrateur évoque l'altération et l'endurcissement du caractère de Françoise, qui, depuis qu'elle est entrée au service de ses parents à Paris, est devenue progressivement si solidaire des autres domestiques qu'elle s'est fabriquée une manière d'être rigide et comme hiératique, qui sent la crispation identitaire et, dans des pages ultérieures, ira jusqu'à s'apparenter à une forme de folie. Fait alors cette étonnante remarque qui fait, si je puis dire, surgir Versailles et en catimini Saint-Simon dans le flux de sa prose d'une manière peut-être plus intrigante qu'ailleurs. Je cite « Cette altération du caractère de Françoise était peut-être inévitable. Certaines existences sont si anormales qu'elles doivent engendrer fatalement certaines tares, telles que celles que le roi menait à Versailles entre ses courtisans, aussi étrange que celle d'un pharaon ou d'un doge, et bien plus que celle du roi, la vie des courtisans. Celle des domestiques est sans doute d'une étrangeté plus monstrueuse encore, et que seule l'habitude nous voile. » Alors, la comparaison entre le monde moderne et le monde du Versailles d'autrefois est ici à la fois plus hardie et plus énigmatique que dans les autres passages que j'ai cités. Elle utilise une fois de plus le modèle saint-simonien d'analyse des comportements de cour comme un moyen de comprendre les modalités de l'existence humaine dans des contextes sociaux complètement différents. Mais ce sont les éléments sur lesquels repose la comparaison qui suscite une certaine perplexité. L'idée qui domine le passage consiste en effet à faire éclater l'anormalité de ce qui est perçu comme normalité parce que l'habitude nous a ôté toute conscience critique de ce que les choses sont véritablement. Et le texte semble aller dans une sorte de crescendo vers la suprême aberration de la vie domestique, des domestiques, pardon, à l'époque de Proust. La vie des courtisans, si je suis le fil du texte, est en effet jugée plus étrange et monstrueuse encore que celle de Louis XIV lui-même, et la vie des domestiques plus parfaitement inouïe que celle des courtisans, qui était pourtant donnée comme l'étalon d'une certaine forme d'étrangeté et de dénaturation. La dernière phrase que je relis, la vie des domestiques est sans doute d'une étrangeté plus monstrueuse encore et que seule l'habitude nous voile, pourrait d'ailleurs paraître plutôt penchée vers un pressentiment du Genêt des Bonnes que vers un souvenir de Saint-Simon. Et il se trouve que chez Saint-Simon, les réminiscences versaillaises et saint-simoniennes sont constantes aussi, notamment dans sa dernière œuvre, Un captif amoureux. Donc on peut établir un lien. Or, ce que l'on pourrait appeler avec Proust la monstruosité de la vie versaillaise, que ce passage affirme de manière abrupte, comme si elle était pour lui une forme d'évidence, me semble au contraire résulter d'une lecture très attentive de Saint-Simon, qui a parfaitement conscience de cette monstruosité, je reprends toujours ce terme un petit peu évidemment étonnant du texte de Proust, et la met en scène de manière quasi constante dans ses mémoires et offre à son lecteur tout ce qui lui est nécessaire pour comprendre la vie de la cour à l'époque de Louis XIV comme un des moments proprement inouïs de l'existence sociale où elle atteint une des limites extrêmes de ce que la nature humaine semble pouvoir tolérer. Le lieu versaillais, on l'a vu, est lui-même, pour Saint-Simon, une sorte d'insulte à la nature et le cadre idéal d'un mode de vie qui, envisagé d'une certaine manière, produit effectivement des espèces de monstres. Et même si Saint-Simon a vécu au quotidien la servilité, la quasi-minéralisation ou mécanisation de l'existence humaine dans les rituels de cour, il n'est pas incapable de prendre à l'occasion une distance brutale et de manifester une sorte de stupéfaction hautement génératrice de poésie face à ce que Proust appelle, dans le passage que j'ai cité, la vie des courtisans. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est donc pas le surgissement très fréquent du thème du monstrueux quand Saint-Simon évoque, notamment à propos des bâtards de Louis XIV, les atteintes les plus graves du règne à l'ordre symbolique qu'il défend de toutes ses forces. Encore moins le thème analysé par François Ravier dans sa thèse d'un surgissement effrayant du démoniaque au sein du monde de la cour à travers des figures comme celle de Noailles ou de Dubois. Une des meilleures illustrations de ce que j'ai à l'esprit, à côté de bien d'autres insectes de cour, c'est une expression de Saint-Simon, envisagée avec un étonnement structurel par le mémorialiste, ce serait plutôt l'évocation dans la chronique de 1709 de la vie de ce courtisan à la fois archétypal et caricatural qu'est le duc de La Rochefoucauld, fils de l'auteur des Maximes, qui n'avait pas ses qualités, et qui apparaît à Saint-Simon comme un concentré de tout ce que la vie de cour peut susciter de plus servile, de plus dérisoire, dans une répétition mécanique des mêmes journées. Répétition qui n'a bien sûr plus rien de la régularité grandiose de la mécanique royale, mais en est le pendant dégradé qui fait du duc de La Rochefoucauld une espèce d'automate enchaîné à la grande machine de la cour. Alors, je dis, texte de Saint-Simon, si Monsieur de La Rochefoucauld passa sa vie dans la faveur la plus déclarée, il faut dire aussi qu'elle lui coûta cher, s'il avait quelque sentiment de liberté. Jamais valet ne le fut de personne avec tant d'assiduité et de bassesse. Il faut lâcher le mot avec tant d'esclavage, et il n'est pas aisé de comprendre qu'il s'en put trouver un second à soutenir plus de 40 ans d'une semblable vie. Le lever et le coucher, les deux autres changements d'habit tous les jours, les chasses et les promenades du roi de tous les jours, il n'en manquait jamais. Quelquefois 10 ans de suite sans découcher d'où était le roi et sur le pied de demander congé, non pas pour découcher, car en plus de 40 ans, il n'a jamais couché 20 fois à Paris, mais pour aller dîner hors de la cour et ne pas être à la promenade, jamais malade et sur la faim, rarement et courtement de la goutte. Alors tout mériterait d'être cité dans cette évocation, dont il y a des réminiscences chez Proust dans la peinture de personnages aussi différents que Françoise ou Charlus vieillissant. Mais un des traits les plus frappants, c'est l'association de l'esclavage de cour et de la mécanisation de cette existence avec une extrême irritabilité qui apparaît elle aussi comme un élément structurel associé au tic psychologique du courtisan. Un autre, qui apparaît aussi dans le passage que je vais lire, c'est la subordination si absolue de la vie de cet homme à son maître qu'il semble presque n'exister que dans et par cette relation. Donc le passage de Saint-Simon est un petit peu long, mais je vais quand même le lire. On aurait cru, alors toujours à propos du même personnage, qu'il devait être heureux, et jamais homme ne le fut moins. Tout le choquait. Il se fâchait des choses les plus fortuites et les plus indifférentes. Il était né piqué de tout, d'un évêché, d'une abbaye. Mais quand il en tombait sur des émules de faveur, comme M. de Chevreuse, M. de Beauvilliers, M. le Grand, le maréchal de Villeroy, il était au désespoir à ne pouvoir le cacher. Il haïssait les trois premiers de jalousie, l'autre un peu moins parce qu'il était en respect avec lui. Il était toujours demeuré une sorte de liaison de M. le Prince et de M. le Prince de Conti à lui, de l'ancien crème des pères, mais sans rien d'apparent. Sur les derniers temps, ses bas amis et ses valets abusèrent de lui pour eux et pour les leurs et lui firent faire au roi si souvent des demandes âpres, importunes et si peu convenables qu'il l'en fatigua et l'accoutuma à le refuser et lui à le gourmander de plaintes et de reproches, ce qui mit un malaise entre eux et lui donna des pensées de retraite qui l'amusèrent et le trompèrent longtemps. Sa voix était déjà fort affaiblie. Elle ne lui permettait plus de monter à cheval, il courait en calèche, et si on manquait, c'était à l'ordinaire une furie jusqu'à la chasse suivante qu'on prenait. À la mort du cerf, il se faisait descendre et mener au roi pour lui présenter le pied qu'il lui fourrait souvent dans les yeux ou dans l'oreille. Cela le peinait fort, et même le monde, et de le voir presque couché dans sa calèche comme un corps mort. Quelquefois, le roi hasardait doucement de lui proposer de prendre du repos, et cela perçait le cœur au favori, qui ne pouvant plus suivre le roi ni le servir faute de vue, sentait qu'il lui devenait pesant de plus en plus. Alors je conclue en quelques mots, je ne sais pas, pour reprendre la formule de Proust, si la vie de Françoise est d'une étrangeté encore plus monstrueuse que celle du duc de La Rochefoucauld peinte par Saint-Simon, mais je pense que le type d'étrangeté et de monstruosité dont il est question est de la même nature, et que même si évidemment Proust a une conscience plus aiguë et si l'on veut plus moderne que Saint-Simon de sa propre prise de distance par rapport à son univers familier, c'est le Versailles de Saint-Simon qui lui fait appréhender la cour de Louis XIV comme un modèle pour envisager la condition de domestique dans toute sa dureté, dans toute sa glaçante poésie. Plus généralement, le Versailles de Saint-Simon est pour Proust une source inépuisable de comparaisons qui lui permet d'éclairer, dans une sorte de superposition approximative et poétique, sa propre époque, de la comprendre, de la dire, en faisant miroiter des similitudes fascinantes entre la plus grandiose des cours de l'histoire européenne et les plus modestes et les plus anonymes des existences modernes. La représentation de la vie de cour dans les mémoires apparaît donc à Proust comme un filtre pour interroger le présent. Je vous remercie de m'avoir écouté.